Je t'embrasse goulûment sous MD. J'adore quand tu me parles sous MD. On attend le matin et l'ouverture du magasin sous MD. On fume comme à la guerre du Golfe sous MD. On se fait branler dans la rue sous MD. Et les gares qu'on traverse paraissent bien vivantes sous MD. On s'endort à 13h sous MD. On se prépare des crêpes sous MD. On ne mange plus à midi, on n'a plus d'appétit sous MD. On reprend un peu de speed sous MD. Je plane complètement sous MD. Mais je suis épuisé, je ne serai plus jamais sous MD.